êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage on reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Et on écoute toutes les nouvelles entrées des palmarès, c'est fou! C'est à Assemblage requis, ça commence à l'instant même! Bonjour et bienvenue à une autre édition d'Assemblage requis. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mardi 13 septembre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. Oui, rock on. Rock on, ce matin. François, après l'intro, il me fait un signe de rock. Hein, ça, c'était l'intro rock. Ouais, exact. C'était quand j'ai dit « Ah, laisse tombe! » Ça venait de ma gorge. Donc, bonjour, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on a Stéphanie Gagné avec sa chronique « Ton plat favori ». Évidemment, on ne sait jamais de quoi elle va nous parler. Elle m'envoie tout le temps sa pièce musicale par message texte, mais je ne sais jamais si c'est... Est-ce que c'est la pièce? Est-ce que c'est le groupe que tu viens de découvrir? Est-ce que c'est un film que tu as écouté qui avait cette pièce-là dedans? Une pièce de théâtre, une comédie musicale? Potentiellement. Plein de choses. Pas probable, mais potentiel, ça. Ouais. Potentiel. Donc, ça va être tout à l'heure dans l'émission, un petit peu plus tard aujourd'hui. Sinon, il y aura aussi une chronique « C'est un fait », bien évidemment, où on va apprendre les choses des plus hétéroclites, je te dirais. Oh. Si je peux te donner un avant-goût, on va entre autres parler de magasins de souliers. OK. Oui, de magasins de souliers. OK. Tu sais, la petite affaire pour mesurer la longueur et la largeur de tes pieds. Ouais, en métal ou t'accotes ton talon. Ça, on va parler de ça. Exactement, exactement. Et aussi, un autre petit avant-goût, on va parler de volailles. Des volailles. Des volailles, ça? Oui. Bon, on parle de volailles. Je pense que même volaille peut englober dinde et puis... Ah, probablement, oui. Perdrix, peut-être. Perdrix? On mange jamais de perdrix, hein? Ben oui. Oui, ça t'arrive? Oui, ben non. Pas moi, mais il y en a qui vont à la chasse et puis... C'est vrai? Oui. C'est vrai. Il y a aussi du pâté à l'oie. Du pâté à l'oie? J'ai vu ça récemment, pâté à l'oie. Tu peux acheter ça et l'amener à la bon, ça? Oui, dans un restaurant. J'aime ça, les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. On mange tout le temps du poulet, du bœuf. Tout le temps la même chose. Sérieusement, moi, je suis tanné de la routine là, côté nourriture. Là. C'est pour ça que j'utilise des sauces très différentes. C'est pour accompagner toutes les mêmes viandes. T'sais. C'est plate, sinon. Ouais. J'aime ça, la sauce, moi. Non. Hein? Ça, de la sauce. Hein? Une confidence ce matin, hein, Mathieu Plante. Original, brûle de barbecue, pour ça. Crémeuse. Crémeuse, c'est pas de même, ça marche. Bon. Sinon, en plus de C'est un fait, en plus de Stéphanie Gagné, on va aussi écouter toutes les nouvelles entrées, les palmarès, c'est fou. Oui. C'est important de le faire. On a commencé la semaine hier sans le faire parce qu'on avait beaucoup de contenu. Oui. Hey, il y a même The Last Assassin. Hey, Jean Leloup, toi. Ouais. Je savais pas que je chantais en anglais. Ouais, en même temps, j'aurais dû m'en douter avec le titre, mais. Ben, j'avoue, là. Mais non. Je dirais pas que t'es stupide, là. Parfait, merci. J'espère bien. Que. Quoi d'autre? J'espère bien que. Que t'es pas stupide. Bon, merveilleux. Après ça, là, il y a The Year They Switch to Cornmeal. Je sais pas, mais ça m'a l'air assez étrange. Notre directeur de la programmation, salut Alain Lefebvre, m'a dit que c'était de la musique assez. T'as pas la pochette est assez étrange. Hein? Je sais pas si t'as remarqué. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est un 5, ça? Ouais, hein? C'est ça. Ah, ben voilà. Ok, j'aime ça. On va aller plutôt au complet tantôt. Attends. Okay. Dans le 2 là pour toi. Oui, merci beaucoup. On mettra le JPEG sur Internet tantôt. On va se partager ça. Mais on commence l'émission avec une pièce de. Timber. Oh, on commence en force. On commence ça avec en force, oui, en effet, mais d'un ton un petit peu plus sombre. Timber sur l'album Creep on Creeping On, voici Lonesome Hunter. Assez fou, 89 FM. Allez, bonne émission. Hein? Rock on. Did those wrong kids cross a line? I'm afraid I'll never understand, baby. And I'm so sorry you had such a bad time. Well, I have done some truly awful things, and you must be very terrified. Well, you have every reason to be frightened, since you've been reading my mind. Who am I to deny this moment? And who am I to even question it? There is a cross on the mountain, baby. There is a cross glowing over your head. Oh, please break this spell you have me under. Every heart is a lonesome hunter. Please break this spell you have me under. Oh yes, every heart is a lonesome hunter. Yeah. T'as raison que ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. On se rappelait pas que ça finissait avec une longue chanson avec des enfants dessus. C'est ça? Ou c'est l'autre? Ouais, hein? Ouais, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est une petite fin tranquille comme ça, là, un peu. Ah, ça ferait un excellent fond pour une émission de radio, ça. Ouais, on aime ça. Pour les séquences un petit peu plus... Oh, sexy. C'est chaud. C'est chaud. FM. Ça me surprend qu'il n'y ait pas de station qui s'appelle Chaud FM. Ah, ça sent bien. Peut-être, hein. Ouais. T'as Chuo FM? Chuo? Oui, c'est vrai. À Ottawa, ça? Ouais. L'Université d'Ottawa. Ouais. Ouais. Qui est la seule, une des seules, en fait, radio qui est bilingue. Oui, la moitié de la programmation est en anglais, en français et aussi d'autres langues dans leur grille horaire. C'est très, très bien, ça. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Pour la ville, là, ça fit très bien. Ouais, ça dépend des heures, par contre, parce que c'est vraiment par tranche de journée. Donc, si tu arrives, tu écoutes le soir, ça va être certainement d'une certaine langue. Ça changera jamais. À savoir, le quota du CRTC, eux autres, ça fonctionne quand même. Mais écoute, on n'embarquera pas. Pour les stations multiculturelles, il y a peut-être une variante ou règle. Je ne sais pas. Ouais, donc vous êtes toujours à Assemblage Requis, on vient d'entendre Dead Man's Bones avec In the Room Where You Sleep. Oui, et on a commencé le bloc avec Timber Timber et la pièce Lonesome Hunter. Un beau petit bloc lugubre. Oui. À l'émission. Oui. On aime ça. Oui, François, plus tard dans l'émission, je l'ai dit, c'est un fait, ça en vient. C'est quoi? Oui. Pousse de la fond, ou bien la honte, comme on dit. Mais on va retourner en musique un petit peu, entendre un bloc complètement différent de ce qu'on vient d'entendre. Okay. Complètement différent. C'est francophone, premièrement. Oh, okay. D'accord. C'est deux styles de musique qui ne vont peut-être pas nécessairement ensemble. Okay. D'accord, donc ça va faire un drôle de bloc. D'habitude, on essaie de mettre des pièces qui font ensemble. Ouais. Okay. Vous allez voir, il y a comme une espèce de... Il n'y a pas une linéarité. En tout cas, il y a peut-être une certaine... Ouais. Pas sûr. Pas vraiment. Pas vraiment. Okay. Donc, il y aura Gatineau tantôt. Okay. Avec Contrôle. D'accord, okay. Sur leur album Karaoke King. Mais on débute avec une pièce du palmarès. Voici Charlie Foxtrot avec Le Monde. Avec Éternel Pessimiste. Voilà, Éternel Pessimiste au 89 FM. Et après ça, on reparlera de qu'est-ce qui peut lier ces pièces ensemble. J'ai hâte de savoir. Ça marchera pas. Comme un charbon sur un soleil. faut prendre une chance, allez, pourquoi pas? Oublie ça, je le sens pas. On peut toujours essayer, là, mais je pense pas. Me sens comme une bombe à retardement qui pourrait exploser à n'importe quel moment. Impossible de prévoir mes réactions en amont. Je me démène de bête des misères contre mes démons. Cherche toujours à être compris sans devoir m'expliquer, à pouvoir me défendre sans même devoir répliquer. Car qu'on m'insulte souvent, je me sais une réponse, mais je sens quand même qu'à moi qu'après l'attention au monde. Quand je prends une air en premier, puis qu'après je pense. Quand je blesse l'autre en premier, puis qu'après je pense. Quand je prends dessus en premier, puis qu'après je penche. Quand j'agis sous l'impulsion, puis qu'après je tranche. Quand je prends une air en premier, puis qu'après je pense. Quand je blesse l'autre en premier, puis qu'après je pense. Quand je prends dessus en premier, puis qu'après je penche. Quand j'agis sous l'impulsion, puis qu'après je tranche. Le prendre, d'artillerie sans jamais vraiment vouloir me rendre. Attaquer l'autre en prétextant devoir me défendre. Tout détruit en pensant pouvoir en être de mes cendres. Me suis débattu 20 fois pour pouvoir me déprendre. Perdu l'estime de moi jusqu'à vouloir me perdre. Je joue au dur mais j'aspire tant à étendre. Encore une fois j'ai bien de la misère à me comprendre. Quand je prends les nerfs en premier puis qu'après je pense. Quand je blesse l'autre en premier puis qu'après je pense. Quand je prends dessus en premier puis qu'après je pense. Quand j'agis sous l'impulsion puis qu'après je transe. Quand je prends les nerfs en premier puis qu'après je pense. Quand je blesse l'autre en premier puis qu'après je pense. Quand je prends dessus en premier puis qu'après je pense. Quand j'agis sous l'impulsion puis qu'après je tranche. Pis ma haine domine, ce que je rumine comme âne me mal, même me mine. Demain je me dis pas très vite que je me dompe, que je me domine. Y'a trop de stress, y'a trop de choses qui me blessent. J'pense trop facilement que le monde m'agresse. Me sens trop attaqué à chaque parole qu'on m'adresse. Je masque ma faiblesse dans des marques de maladresse. Ouais, quand on parle, j'pense qu'on m'offense. J'use immédiatement de mécanismes de défense. Des réactions extrêmes, un peu trop intenses. J'me complais dans mon délire, dans ma propre trance. Quand j'prends mes nerfs en premier pis qu'après j'pense. Quand j'blesse l'autre en premier pis qu'après j'pense. Quand j'prends dessus en premier pis qu'après j'pense. Quand j'agis sous l'impulsion pis qu'après j'trance. Quand j'prends les nerfs en premier pis qu'après j'pense. Quand j'blesse l'autre en premier pis qu'après j'pense. Quand j'prends dessus en premier pis qu'après j'pense. Quand j'agis sous l'impulsion pis qu'après j'trance. Est-ce que vous avez deviné quel était le thème de notre bloc avec Charlie Foxtrot, la pièce Éternel Pessimiste et Gatineau avec Contrôle? Ben, c'était les deux, les deux gars parlaient de lui-même au jeu, là. C'était ça. C'est, ça pourrait dire, c'est, on pourrait dire ça de bien des chansons, mettons, mais celle-là, entre autres, là. Ouais, c'est ça. Hein? C'est un fait. C'est la chronique, c'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les trois V, les trois piliers de cette chronique. Ça repose là-dessus. Ça repose là-dessus. Commençons par les magasins de souliers. Tu sais, François, dans les magasins de souliers, il y a souvent un petit appareil où tu insères ton pied et ça va déterminer la largeur en lettres et la longueur de tes pieds. Ouais. Ça s'appelle un appareil de Brannock. De Brannock? Brannock, ça a été breveté par Charles Brannock. Exactement. En 1928. Quand même, hein? 1928? Et ça n'a pas changé depuis ben, là. Non. Il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas d'évolution. Non. Du tout. Mais bon, c'est l'appareil de Brannock. Voilà. Mais est-ce que tu t'en sers vraiment, toi? Ou, Quand je vais me faire chausser, oui, ouais. En effet, oui. J'imagine dans les magasins quand même spécialisés. C'est ça, quand tu vas l'acheter dans un magasin à rayon, c'est sûr que personne ne va t'aider. C'est sûr que s'il te fait, il te fait, s'il te fait pas, non, il te fait c'est pas. Sûr, c'est sûr. Mais dans un magasin spécialisé de qualité, mettons, on s'entend là-dessus. Et des fois, c'est pas mal ça que mes pieds méritent, là. Oui, ils s'en servent. Tant mieux, d'ailleurs. Les noms, parce que je me fais pas confiance à moi-même, t'sais, pour choisir un soulier, pour vrai. T'sais, je dis, ah, il me fait bien, mais peut-être que c'est pas bon pour moi du tout. Donc, les noms Honda et Toyota viennent de mots japonais, tous les deux. D'accord? Et les deux veulent dire champ de riz. Champ de riz? Champ de riz. Les deux? Honda, c'est la même chose? Et Toyota. Ben, c'est ça doit être une différente sorte, ouais, de champ de riz. C'est ça. Genre, ben, tu en parles et je te réponds à l'instant. Tu as tout à fait raison. Honda, c'est le champ de riz principal, Main Rice Field environ. Et Toyota, avec un D, là, mais c'est pareil comme Toyota, ça se prononce pareil, j'imagine. Ça veut dire champ de riz abondant. Tu sais, champ principal, champ abondant. Il y en a un qui est important, l'autre qui est abondant. C'est pareil, tu sais. Ouais, on aime ça. Parlant de voiture, encore une fois, Henry Ford, William Durant, le fondateur de General Motors, Ettore Bugatti et Louis Delage. Ils sont tous morts en 1947, l'année où Ferrari a été fondée. Oh! C'est quelque chose, c'est ouais. Quelque chose. Devine quel jour, quelle journée est la plus productive de la semaine de travail? Je dirais le mercredi ou le mardi. Mardi, bravo. Mardi. Ding, ding, ding, c'est aujourd'hui. Oui, et selon un sondage de Accountemps, presque la moitié de 150 exécutifs, des gens bien placés dans des compagnies, donc ils ont identifié mardi comme étant la journée la plus productive de la semaine. Mardi bat le lundi pour les ouais. Employés. Pourquoi? C'est quoi? Ben, c'est sûr que le lundi, en fait, les gens reviennent du week-end, donc sont un peu rouillés ou ils se racontent la fin de semaine aussi, donc... Ça collabore peut-être, mais eux, ils disent officiellement que le lundi, c'est à cause qu'il y a beaucoup de réunions et de rencontres. Les rencontres sont souvent à l'horaire le lundi. Ah! Eh bien, je ne savais pas ça, mais ça a sûrement un très grand lien, ce que tu dis aussi. La pire journée pour la productivité, tu la devines comme ça, là, comme ça. C'est le mercredi. Ça y passe, là. C'est le vendredi. Oui. Évidemment, parce que là, le monde placote puis ils vont discuter de leur... Ouais, ouais, c'est ça. Vendredi après-midi, des fois, les gens partent quand même de bonne heure aussi, ouais. Ces trucs-là. Savais-tu que pour aller porter un CV la meilleure journée, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, devine c'est laquelle? La meilleure journée, c'est sûrement pas le vendredi. Non. Lundi. Non, c'est non, le mardi aussi. Mardi, c'est le mardi aussi. C'est, en tout cas, il y a une enquête. Là, je peux pas te révéler la source car je ne la connais pas la à l'instant. La firme qui a fait l'étude. Comme... C'est ça, exactement. C'est parce que le mardi, en fait, les boss, les patrons, c'est, sont tous là. Ils sont venus là, ouais, en vacances. Ils sont là. Des fois, le lundi, c'est ça, sont occupés. Ils reviennent. Faut qu'ils reprennent ce qu'ils ont perdu pendant c'est la semaine. Ça, exactement. Ouais. Mais le mardi, c'est la meilleure journée. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas d'emploi, c'est une bonne journée. Allez porter les cibles. Mettez à jour votre CV pour commencer. Ouais, tout à fait. Ça serait une bonne idée. Tout à fait, bon conseil, François. Savais-tu que le vrai nom des crash test dummies, tu connais les crash test dummies, c'est ce qu'on met dans une voiture pour les tester. Ouais. Ça a un vrai nom, ces affaires-là. C'est Anthropomorphic Test Device, donc appareil de test anthropomorphique. Anthropomorphique, c'est quand tu fais quelque chose qui a les mêmes membres, le même aspect qu'un humain, tu sais, genre, qui peut okay. Bouger avec des membres. Donc, le premier Anthropomorphic Test Device a été développé par l'Air Force américaine pour et non pas pour l'industrie de l'automobile. C'était utilisé pour tester les tests, les sièges dans les avions pour les éjecter, là, c'est? Éjecter les sièges. Okay. C'était pour ça. C'est ça. Ça a commencé là-dedans au départ. Intéressant. Hein? En tout, la consommation américaine de volailles a presque doublé depuis les 25 dernières années, de 18 millions de livres à 36 millions de livres en 25 ans. T'as pas quoi? Quand même, hein? On en mange-tu de la poule? Ouais. Il y a un endroit spécifique dans le cerveau, d'accord, qu'on appelle le Bilateral Vomitation Center, le centre de vomitation, mettons, bilatéral, si je le traduis exactement comme ça. Ça note quand notre ventre va pas bien, tu sais, est inconfortable, si on veut, et c'est ce centre de vomitation bilatéral-là qui décide, qui prend la décision finale, est-ce que tu vas vomir ou tu vas vomir pas? Hein? C'est important. C'est ça. C'est un centre. Un centre. À l'université Harvard et l'université l'alma mater, là, comme on dit dans le domaine des l'alma mater. Gens qui, ouais, l'alma mater. On entend tout le temps ça. C'est, non, je sais pas. Ça fait pendant cette expression-là. Mais bon, alma mater, c'est quand t'es allé à un collège en particulier. Bon. Okay. Donc, il y a plus de présidents qui sont allés à Harvard University, donc qui ont gradué de là. Il y en a 7. C'est donc plus que n'importe quel autre collège. Parlant de Harvard, tu sais que c'est comme une des places très réputées? Mais... La plus réputée, peut-être. La plus réputée, probablement. Donc, John Harvard n'est pas le fondateur. Donc, il n'est pas le fondateur de l'université Harvard. Non. C'était connu sous le nom de l'université Cambridge. Avant okay. ça, ça a été établi en 1636 par la Massachusetts Bay Colony. C'est seulement après qu'un jeune ministre puritain soit décédé en 1638, laissant tout ce qu'il avait à l'institution, que l'école a été renommée en son nom, donc John Harvard. C'était lui le ministre puritain. Oh, un hommage, quand même. La ceinture noire au karaté. Ceinture noire, c'est la meilleure ceinture que tu peux avoir. Ouais. Bon. Donc, c'est né non pas par choix, par choix si on veut, mais c'est plus par avarice, par cheapitude. Est-ce qu'on peut utiliser le mot cheapitude en français? Ben, moi, je comprends très bien. D'accord, donc c'est parce qu'il était cheap, le monde. C'était moins cher de teindre la ceinture en noir, encore et encore, prendre des anciennes ceintures et teindre... Des ceintures blanches. C'est ça, que les remplacer 6 fois, nous dit-on. C'était plus facile de les teindre. Ah! Oh. Donc, j'imagine que la ceinture blanche d'une certaine personne, tu l'enlevais, après ça, tu avais d'autres couleurs, j'imagine, qui passaient pendant ce temps-là, puis à la sixième, là, il reprenait ta blanche, puis il reteindait noire. Ah, ça se peut. C'est quelque chose. Ensuite, si on prenait les sillons, est-ce qu'on appelle ça des sillons sur un CD? Oui. Les sillons, okay, oui. On comprend ce que ça veut dire, là, les sillons d'un CD. Si on faisait une ligne droite avec les sillons d'un compact disque, d'un disque compact, d'un DC, si on veut. D'un CD? D'un seul CD, on ferait 3000 de long. Ah! 3000! Quand même! 3000! Quand même. Mais est-ce que c'est les mêmes sillons... Que Dominique Sion? Non, sûrement pas. Non. D'un CD ordinaire ou d'un MP3 ou d'un DVD ou de... Les sillons d'un MP3, je te dirais que ça fait ouais, sûrement zéro. Ça n'a pas rapport. Hein? Mais d'un DVD ou d'un Blu-ray ou... Je ne sais pas. Bonne question. Pas. Très excellente question. Et l'épaisseur, j'aimerais bien avoir des détails là-dessus sur l'épaisseur, comment les bosses sont faites, la sorte de laser. Peut-être un fait un autre jour, à un moment donné. Ouais, un jour. M'intrigue. Mais non, tu m'intrigues. Bon. Lorsque un serpent est né avec deux têtes, ça arrive, un serpent né à deux têtes, en fait, c'est deux serpents fusionnés en un, donc n'allons-y pas avec le généralisme de dire que c'est un serpent à deux têtes, c'est deux serpents avec un seul corps. Bon. Ouais. Hein? Bon. Donc, quand deux serpents sont nés avec un seul corps, hein, ils vont se battre l'un l'autre pour de la nourriture, et des fois, ils vont même essayer de se manger l'un l'autre. Oh, ouais. Oink. Tintoué. Spécial. T'as mon frère. Tiens. Tu dois pas y être quoi, sérieux? Tu t'en vas, mettons, dans le bois, puis un serpent à deux têtes. Non. Deux serpents à un corps. Soyons politiquement corrects. Ouais, ouais. Deux serpents à un corps. Ça va les offusquer, François. Ils vont courir à bris. Comment ils vont essayer de te manger à la tête? Quoique, je paierais peut-être pour voir ça. Tu vas voir que je cours vite. Ouais, au moins grignoter, juste grignoter. Je te veux pas de mal, François. Merci. Ouais. C'est tout pour la chronique, c'est un fait pour aujourd'hui. C'était bon, merci Mathieu. Merci. J'ai appris plein de choses. Aussi bon qu'une tête de serpent, hein? Non. Non? Non. Non? Pas aussi bon. OK. François, on est toujours à Assemblage requis aux dernières nouvelles. Oui, c'est vrai. Et je te dirais qu'on serait prêt à entendre. Est-ce qu'on est prêt? Oui, pour du radio-radio. On me fait le signal que oui, nous sommes prêts pour... c'est ça, notre metteur en onde. On salue Mathieu Plante. Et on s'en va entendre la pièce Jacuzzi de Radio-Radio tout de suite. Au 89. J'ai une place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? J'ai une place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Un jacuzzi plein de clowns, c'est le festival. Un jacuzzi extra large, on fait des fesses de cheval. Ma jacuzzi baigne-toi, submarine wash-toi. GPS sous l'eau, les nouveaux jacuzzi. On boit du homemade wine, des grosses bouteilles. Ta jacuzzi, believe you me, pas pareil. Je prends des one-way cruise, ça valait toute ma jacuzzi. Un shake de nia parce que je vois ta jalousie. Bump that, j'ai une boule dans ma jacuzzi. Put bidding sous la seule roue, ma jacuzzi. Goose jacuzzi, juste comme dans les movies. Mais je prends un chicou, puis les femmes me montrent. Allez, grosse, puis pleine de mots, comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi est trop, mais faut plus grosse la chaîne. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous aller dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. dans ma jacuzzi. Y'a des blancs pis des Indiens qui se battent dans ma jacuzzi. Ah, j'porte une goose fur coat dans ma jacuzzi. Ma vie a changé depuis que j'ai une jacuzzi. Ah, j'mange des onion rings dans ma jacuzzi. Chaque jour c'est Noël pis j'paye pour un tas. J'ai une goose jacuzzi juste comme dans les movies. Mais j'appelle que j'suis cool pis les femmes aiment ça. Ah, les goose pis plein d'eau comme les femmes que j'ai. Ma jacuzzi est trop mille fois plus goose la chaîne. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous aller dans mon jacuzzi? Écoute la musique qui joue, c'est mon prop city. Et c'est Tony 7, elle s'appelle jacuzzi. Surf and turf, un jacuzzi, le monde surf. Envoyé de 9 à 5, donc il fait le snap. Oh, je te dis, dans ma jacuzzi, la vie est simple. Je vois les condos qui veulent tout ma jacuzzi. Prends le touriste que je fais pour ma jacuzzi. 2 millions de touristes, man, pour ma jacuzzi. Private jet landing strip pour ma jacuzzi. Ça prend une autre planète pour ma jacuzzi. Tout le monde se fait mettre dans ma jacuzzi. Ça prend une autre planète pour ma jacuzzi. Une grosse jacuzzi, juste comme dans les movies. Mais que j'apprends que je suis cool, puis les femmes aiment ça. Allez, grosse, puis pleine d'eau, comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi est trop mille fois plus grosse que la chaîne. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous aller dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Tu peux voir ma jacuzzi de la Deep Space Nine. Allez, grosse, gas power, puis le moteur pousse. Assis sur mon trou avec mes chaînes cell phone. J'ai des calls qui me réveillent à cause y'a 7 time zone. Easy breezy, beautiful jacuzzi. Beautiful jacuzzi, beautiful jacuzzi. Peace and love. J'ai la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. I'll see tonight will be made up of origami. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go. The dance floor rojo ratio 5-1 is a rodeo. Tell Steve and Mike it's time to go. Wait outside all night to find 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit, too hard to meet chicks. I need better arms, more broad, less broad. Too many men, too many boys, too many misters, not enough sisters, too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Too many men, too many men. Concourse et Too Many Dicks on the Dance Floor. On ne stand jamais cette chanson-là. Hein? Non, ça c'est vrai. Jamais. C'est vrai, c'est très bon et c'est très vrai. Ouais, et Simon Fidubé nous rappellerait que les jeudis matins, il faisait juste cette chanson-là pour commémorer le mercredi de la veille. Mercredi, ouais. Ah, il fallait qu'on fasse ça, nous autres aussi. Poursuivre la tradition avec un trou de 2 ans entre hop, le temps. Hey, bon. Mais Mathieu, oui. Tu parlais de jeudi. Oui. Qu'est-ce qui se passe jeudi qui s'en vient? Jeudi qui le s'en 15. Vient, attends un peu. Depuis le 15 septembre. Il n'y a plus Friends à la TV depuis quelques années. Je ne sais jamais quoi faire les jeudis soir. Non, mais ben là, c'est fini ton interrogation à propos des jeudis. Mais en fait, ce jeudi-là. Juste ce jeudi, ben, un à la fois. Finalement. Un à la fois, oh, hein. Après ça, on va trouver d'autres choses, inquiète-toi pas. Mm-hmm. Radio, ici même. Hein? Oui, au 10-12. Ah oui. Oui. Hein, t'as de l'air surpris, là? Ben, c'est comme si je le savais pas. Ouais. Radio avec la première partie L'âge d'Iouf et on commence le tout avec l'ITR Band. Oui. Et ça se déroule le jeudi le 15 septembre ici. C'est gratuit, évidemment, pour les étudiants. Ouais. Faut le rappeler. Est-ce que t'as des détails sur c'est quoi l'ITR Band? C'est des groupes, des gens littéraires qui connaissent la musique un peu puis qui jouent. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Exactement. Ils font des covers. Des chansons super. Super connu, j'imagine. Je sais pas, je veux pas m'avancer, mais ouais. Et la soirée se termine avec les Jet Catardi, c'est bien ça? Ouais, exactement. Mathieu de le spotter, celle-là. C'est pas mal ça, la partie importante de la chose, je trouve. Mais bon, chacun ses goûts, là. Ben ouais. Ouais, donc c'est ce jeudi soir, au 10-12. Au ouais. Pavillon de Néré-Beauchemin, je suis à côté de la Chasse-Galerie, et je suis à côté de nos studios, nous, assez fous. Exactement. Direct. C'est ça. Suivez les ondes. Oh, hein? Un nouveau slogan. Ouais, ça sonne bien. Suivez les ondes, ça voudrait tellement rien dire, mais en même temps, les slogans de station de radio, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? C'est ça qui arrive. Pas vraiment. Pensez-y un peu. Ouais. Vous êtes toujours Assemblage Requis. Il nous reste environ une vingtaine de minutes avant la chronique de Stéphanie Gagné, ton plat favori. Elle va nous présenter un de ses coups de cœur. Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est un film? Je sais même pas, j'ai même pas encore la pièce, parce que des fois, je peux deviner par la pièce, tu sais. Je me dis, ah, la pièce, il me semble que ça fait comme si c'était dans un film, ça. Genre? Ou pas. On sait pas. On verra. Mais pour l'instant, on va entendre une pièce, pourquoi pas, de Camp Radio. Ils ont une nouvelle entrée dans le palmarès anglophone depuis quelques semaines. Et c'est ma foi plutôt bon. C'est The Girl Who Stole My Motorbike sur leur album Campista Socialista au 89.fm. so drop your funeral weapons. Tears for time, and you ain't got much left. Anxious famine or hell, now let's hear it for death. Beggars, poets, hustlers, Wall Street, rich boy, suckers. My friends, you know that no side's better in the end. We're all gonna fight together. I'm a robot avec la pièce Ace for Action. Moi, sérieusement, François, je prendrais un bloc, il était 30 fois avec ça. Ça serait bon. Ouais, je sais pas si on va réussir à mettre toutes leurs pièces. On pourrait mettre l'album et puis s'en aller. Ben, c'est ça. Aller se recoucher. Ben oui. Ça ferait un bien meilleur matin que ce qu'on fait en ce moment. Hein? Donc, I'm a robot, fantastique formation qu'on adore tous les deux. Oui, oui, c'est très, très bon. Alors, on a entendu Camp Radio avec un extrait du palmarès anglophone. C'est The Girl Who Stole My Motorbike, une des pièces que j'adore dans le palmarès en ce moment. Et vous pouvez écouter le palmarès au complet tous les jeudis après-midi entre 14h et 17h avec en vedette. Dun, dun, dun, dun, dun. Marie-Pierre Laforge-Bourret, mais aussi moi. Mais aussi Mathieu Plante, faut pas l'oublier. Ça fait combien de temps que tu animes les palmarès? Ça doit faire. Depuis 2004. Donc, ça fait longtemps. Ouais. Tout à fait, c'est pas la première émission que j'ai fait, là, mais c'est la première. C'est quoi la première? C'est la connexion, CNX. Ok. Ouais. Mais après ça, j'ai commencé à animer avec des gens, d'autres que moi-même, tu sais. Les palmarès. Ouais. Des gens que je remercie, que je salue et que tout le monde aime. Jack et PS. Ouais, souvenir. Qu'est-ce que t'en penses si on retourne entendre une autre pièce du palmarès, hein? C'est une bonne idée. Ouais, bonne idée. Ouais. Un petit peu de Miracle Fortress. Est-ce que t'as écouté beaucoup les palmarès cet été? Est-ce que t'écoutais La vie de croisière, l'assemblage requis? J'écoutais pas live, j'écoutais souvent en rediffusion. Il y en avait tellement que t'avais le choix. Hein? Ouais, mais ça donnait mieux. Ouais, c'est ça. Moi aussi, en fait, ça me donnait beaucoup mieux d'écouter la rediffusion que l'originale. Donc, c'est ça. Il y avait plein de bonnes pièces cet été. Des pièces qui ont duré très longtemps parce que les palmarès ont duré, c'est ça, depuis le mois de mai. Voilà. Donc, Miracle Fortress en est une des très très bonnes avec Everything Works tout de suite. Ça, c'est fou. Miracle Fortress, ça me fait penser à Mario Bros 3. Quand tu finissais une forteresse, un château, tu vas pas retourner dessus. Mmh. T'sais, quand t'es écroulé, tu sais que j'ai la tête. I'm nowhere. Sitting in an electric chair, oh, too scared to go nowhere. Set me free, set me free. Won't you, won't you set me free? I'm too scared, you're too scared. He's too scared and she's too scared. Sitting with a hand tied, a chicken with a brain fried. Sitting with a hand tied, a chicken with a brain fried. Payable the Creature au 89 FM, cet assemblage requis. Une pièce qu'on écoute, qu'on écoutait, oui, sur un, probablement un maxi qu'on a reçu, deux autres. Qui date quand même assez longtemps. Ouais, parce que leur album Creature, en tout cas, moi, je ne sonne pas tant comme ça exactement. Non. Un peu, mais bon. Donc, c'est la fin de la première heure. Tantôt, on retrouve Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. On va entendre de la bonne musique dans sa chronique, parce que j'ai vu ce qu'elle nous a envoyé. Oh! Oui, mais je te réserve des surprises, elle aussi. Yeah! Yeah! On aime ça, les surprises. On vient avec ça et on va ramener aussi nos crudités pour François-Olivier. Ouais. Donc, ton accompagnement pour le plat favori et moi, mon dessert délicieux de Mathieu. Bien sûr. Oh! Miam! Restez là! Vous êtes assez fou pour l'écouter. 2e heure d'assemblage requis en ce mardi 13 septembre 2011. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières. Et lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plente. Oh, Plente of Matthews. On l'aime. Ce serait trop plusieurs, Mathieu. Ouais. Plenty of. Bon, on l'aime, tu dis? Non, c'est pas ça que j'ai dit. OK, une chance. Wow. Embarque-moi pas là-dedans. Là. Non. Donc, 8h, presque très exactement. Donc, 8h et 35 secondes environ. C'est-à-dire juste correct pour recevoir Stéphanie Gagné avec sa chronique. Voici ton plat favori. Ton plat favori, le sens sur ton bistouri. Non, tu comprends pas. Bonjour Stéphanie. Bon matin les garçons. Vous allez bien madame? Oui, quand même. Ah, vous mal à la tête? Ouais, un petit peu. Bon. C'est plate ça, c'est le stress des premières semaines d'école? Non, c'est le lendemain d'une intégration, plutôt, je dirais. Ah oui, une grosse intégration? Est-ce que tu t'es déguisé quelque chose? Oui, déguisé en pirate. Ah! Le pirate Maboule. Devrais-je dire Arr? Voilà, Arr. T'as aimé ça? Oui, c'était vraiment fun. C'était pas ta première fois déguisé en pirate, j'imagine, dans ta vie? Oui, première fois. Enfin, est-ce que tes costumes étaient plus frivoles qu'un pirate? Non, c'était pas mal princesse, sorcière, clown. Ah, trop cute. Donc, Stéphanie Gagné qui nous retrouve chaque semaine pour sa chronique Ton plat favori. Et tu nous présentes tes coups de cœur, et des fois un, des fois plusieurs, des fois de la musique, des fois des films. Oui, aujourd'hui, c'est un groupe de musique dont j'avais déjà parlé. C'est The National, le groupe de l'Ohio qui a été formé en 99. Plusieurs albums, dont le dernier, High Violet, qui est sorti en 2010. Cinquième album pour ce groupe-là. Vraiment excellent album. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Musique un petit peu déprimante à cause de sa grosse voix grave. C'est ça, tu te rappelles de mon opinion quand t'en as fait jouer du National? Mais bon. Ça t'a marqué. Ça m'a marqué, oui. C'est pour tout le monde. Mais c'est quand même une musique pleine d'espoir. C'est pas juste déprimant, là. Non. Enfin, bref, The National s'en viennent du côté de Montréal. Donc, pas mal excitant. Ils s'en viennent au Centre Bell, en plus, c'est pas rien. Donc, Centre Bell, le 9 décembre pour The National avec Nick Homecase et Wyoke. Cool! Tu vas être là? J'espère, mais je pense que le 9 décembre, je vais avoir fini mes cours. Donc, je vais pouvoir me rendre probablement. Votre pause des fêtes commence de bonne heure? Ouais. Oui, très. C'est tranquille? Ah, on n'a pas trop l'âge, par contre. Ah, c'est pour ça! Ça explique tout, ça? Voilà, c'est un peu différent de ce côté-ci de la frontière provinciale. Ah, c'est une question, ouais, c'est ça, frontière provinciale. C'est une question donc provinciale et non une question d'école spécialisée. Attends un peu, nous, on est du même côté de la frontière, nous. Ah, c'est vrai, Gatineau. Du même côté, mais j'étudie de l'autre côté. Ah, ouais, c'était à Ottawa, ton école. Ah, ok, je pensais que c'était à Gatineau. Non, du tout à Ottawa. Pourquoi t'as décidé d'habiter à Gatineau? C'est moins cher. Ah, ça explique tout, ça aussi. Les options sont simples dans la vie, des fois. Les cours coûtent cher, donc je me trouve un appartement pas cher. Ça va ensemble, c'est ça. Exactement. Voilà. C'est un bon mariage. Oui, tout à fait. Bon mariage. Donc, tu vas aller voir The National à bien pirate. C'est ce que tu nous dis. Ah, OK, on a tout compris. Peut-être pas à bien pirate, par contre. Ça serait un petit peu gênant devant une foule de 20 000 personnes. Sinon, c'est ça. Ça va bien. Et puis, ta vie se passe bien. Les cours, t'aimes ça toujours. Et puis... Toujours. J'essaie de tenir les auditeurs au courant de ta vie, de tes faits et gestes, comme ils les aiment le faire. Ah, mais il n'y a pas eu de fusillade récemment, par contre. Non, c'est un peu ce que j'allais te demander. Pas d'autres violences dans ton quartier. C'est pas un quartier, tout à fait sécure. Facile. C'est ça, facile. Oui, excuse-moi, facile. Je voulais pas te stresser encore plus. T'es pas safe, c'est ça que ça veut dire. Bon. En gros, ça ressemble à ça. Prends soin de toi, Colin, Steph. Là. Hein? Barricade-toi. Je vais m'en sortir. Ouais, c'est ça. Donc, on va entendre The National avec quelle pièce nous as-tu choisi déjà? C'est une pièce du dernier album High Violet, c'est la pièce Sorrow. Parfait, nous on va te laisser à tes cours et puis François et moi on va compléter avec nos crudités et notre dessert délicieux. Sans toi, malheureusement, étant donné l'interurbain. Hein. J'écouterai ça. Ben, t'es bien mieux. Quand même, ça reste dans ta chronique, ton fond est là et tout, là. Yep. Merci Stéphanie. Hey, merci madame, repose-toi aujourd'hui, hein. Ah oui, je vais essayer. Prends beaucoup de liquide et les petites poudres que tu mets dans de l'eau chaude, là, c'est bon, ça marche tout le temps. Puis mec, tu reviens, nous, on a de la bonne sauce à spag pour toi. Ah, miam. Oh, merci. C'est plate qu'elles reviennent pas dans le coin avant un maudit bout. Là. Ah, on attend la fin. Novembre. On va la vendre, non? OK, novembre, oui, c'est ça. Merci, Steph. Bye. Salut. Bonne journée. Bye. Sorrow found me when I was young. Sorrow waited, sorrow won. Sorrow they put me on the pill. It's in my honey, it's in my milk. Don't leave my hyper heart alone. throws my body on the waves. Sorrow's a girl inside my cave. And in a city, sorrow built. It's in my honey, it's in my milk. Don't leave my happy heart alone. On the water, cover me in rag and bone. Sympathy, 'cause I don't wanna get over you. I don't wanna get over you. La pièce High Violet par The National dans le bloc Ton plat favori de Stéphanie Gagné avec cette petite musique-là ici. Et puis nous, après le plat favori, même si Stéphanie nous quitte par téléphone, parce que c'est un intérêt même, ça coûte cher d'attendre par une pièce. Hein? Ouais. François et moi, on a nos petits gadgets qui accompagnent son plat principal. Donc toi, c'était crudité, François-Olivier. Mais crudité, oui, effectivement. Cette semaine, écoute, tu m'as pris un peu de cours. J'aime ça de même. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais un peu pris. Écoute, j'ai entendu une fois la pièce que je vais te présenter. Okay. Puis en fait, j'étais pas certain de l'aimer. Je vais jouer frais. J'étais pas certain de l'aimer. C'est la nouvelle pièce de Blink. On sait que en fait, Blink, ça fait longtemps, ils s'étaient séparés, ce truc-là. Uh-huh. Ça doit faire à peu près 8 ans qu'ils avaient rien sorti. Donc là, ils sont revenus avec une chanson. L'album devrait suivre peut-être en octobre, je pense, les dates que je voyais. Donc voilà, mais je pense qu'on peut pas vraiment se tromper non plus pour les amateurs de Blink. Là. Je sais que c'est quand même quelque chose d'assez simple et ouais. de plus ou moins recherché comme son, mais en fait c'est tout le temps bon, ça met de bonne humeur et puis me sens bien à l'aise avec mon choix. Ben parfait, assume-toi, c'est de même qu'on aime ça. Quand tu t'assumes, tout va bien. Tu te fais entendre une pièce? Oui, la chanson en fait c'est Up All Night. Okay. L'extrait en fait qui est sorti de l'album Neighborhood qui devrait sortir, c'est ça, en octobre, si je ne me trompe pas. C'est bientôt, mais oui. Oui, exactement. Album d'ailleurs qu'on pourra peut-être écouter ici plus tard dans la session. Ben tout à fait, dans le bloc poste d'écoute peut-être même. Exact. Ben oui. Donc voilà. Up All Night de Blink-182 tout de suite, assemblage requis. C'est flambe à neuf. Moi je vais faire mon dessert délicieux après ça. Hein. Ton dessert. Mon dessert. Faut que ça rime avec Mathieu. Ah. Blink 182 avec la pièce Up All Night, une chanson qui flambe en neuve. Brand new brand new song. Ça song, oui. Ben. Song. Donc ça, c'était les crudités de François-Olivier, ouais. Qui vient d'accompagner le plat favori de Stéphanie. Et ouais. Moi, merci. Oui, c'est ça. Moi, faut que ça rime aussi. Oui, ça de rien. Moi, c'est le dessert délicieux de Mathieu. Hein? Hein? Bon. C'est-tu genre un gâteau fromage? Ah, même Colin, j'aimerais donc ça. C'était ouais. Ça. J'ai eu gâteau fromage. T'aimes pas ça? Non. Ah, c'est bon, je trouve. Mais en même temps, c'est ça. C'est moi, je trouve que le fromage n'a pas d'affaire. Là, c'est un dessert. Mais il goûte pas le fromage. Ah, c'est l'affaire. C'est, ah, okay. Je sais pas. Comme un gâteau aux carottes, que chez les carottes font la dent. Ah, c'est bon, ça. Ben, je sais. En tout cas. Donc, moi, mon dessert délicieux, c'est le site finewaldo.com/widget.html, d'accord? C'est. Attends, est-ce que tu peux le répéter pour les auditeurs, en fait, qui aimeraient ça le taper? D'accord. Findwaldo.com, F-I-N-D, Waldo, W-A-L-D-O.com, OK. C'est qui, Waldo? Waldo, tu vas voir, non, fais pas enter tout de suite, faut que tu fasses /widget.html parce que c'est un jeu en ligne, c'est un widget que tu peux insérer sur un site web n'importe où. W-I-D-G-E-T. G-E-T.html, c'est ça, tout à fait, le lien sur assemblagerequis.com. Mais ce que c'est un widget où on peut trouver Charlie, parce que Charlie au Royaume-Uni s'appelle Wally, aux États-Unis s'appelle Waldo, okay. Et dans les pays francophones, dont la France et le Québec, s'appelle Charlie. Charlie! Donc, t'arrives dessus, t'as plusieurs. T'as trois petites places, là, bon, mettons à la plage, dans un magasin, etc. Et là, tu peux zoomer sur la carte avec un petit genre de slider, un peu comme sur une carte Google Maps, n'importe quoi. Et là, t'as aussi une petite une carte gigantesque à côté qui te montre, bon, t'es où dans la place. Et là, tu peux fermer cette barre-là en cliquant dessus, sur la petite flèche, comme ça. Et puis là, tu dois trouver avec ta souris. Où est Charlie? Hey, j'ai trouvé. Hey, puis il y a d'autres affaires à trouver aussi, parce qu'en bas, t'as une liste d'épiceries d'affaires à trouver. Là. Faut que tu trouves son panda féminin Wenda. Hein? Faut que tu trouves le chien Odla. T'as l'os de quelqu'un, t'as la caméra de l'autre, t'as les jumelles de l'autre. T'as l'affaire, et là, faut que tu les trouves. Et au fur et à mesure que tu les trouves, ils vont l'écrire dans la carte, le cocher. Donc, tu sais vraiment où tu t'en vas. Ah, ça, c'est cool, par exemple. C'est vraiment très bien. Mais c'est quoi? Faut que tu cliques dessus? Faut que tu cliques dessus. La seule chose, coche. C'est ça. La seule chose que j'aime moyennement, c'est que quand tu cliques pour tasser la carte, OK? Ouais. Mettons, je clique pour tasser la carte parce que tu veux le faire, OK? Puis tu peux le faire. Mais quand tu le fais, des fois, tu vas cliquer sur quelque chose qu'il fallait que tu cherches. Donc moi, je viens juste de cliquer deux fois pour tasser la carte et j'ai trouvé A Custard Fight, A Clever Drink Pourer et d'autres affaires comme ça. J'ai trouvé deux chanceux. Affaires par chance. C'est vraiment bizarre. Mais sinon, j'aime vraiment juste le principe de la chose. C'est le site findwaldo.com et si vous cliquez dessus, il y a directement Play Game, là, donc même pas besoin de retenir le /widget, c'est même pas grave. Et il y a une application sur le App Store aussi, The Search for Waldo Continues on the App Store, qui disent, donc tu peux aller trouver l'application iPhone et l'application iPad de trouver Charlie, finalement. J'aime ça. Ouais, intéressant. Savais-tu, tantôt on disait que au Royaume-Uni, le pays d'origine, ça s'appelait Where's Wally, ouais. Et qu'aux États-Unis, c'était Where's Waldo. Il y a d'autres pays qui ont donné d'autres noms différents. En Croatie, c'est Hura ou Jura. Jura. Il y a Valik en Tchécoslovaquie, Voli en Estonie, Walter, hein, t'aimerais ça toi, Walter? Walter. En Allemagne, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et puis en suédois, c'est Valet. C'est bien, hein? C'est très bien. Je disais aussi qu'il y avait, une série télé là-dessus en 13 épisodes. De Où est Charlie, savais-tu ça? Non. Moi, je me rappelle d'avoir regardé cette série-là et entre les pauses, on nous demandait de trouver Charlie, hein, et l'intro ressemblait vaguement à ça, à peu près, de Où est Charlie à la télé en anglais. C'est bien, hein? Ça fait mystérieux, je trouve. Fou comment le volume est pas fort sur YouTube, mais quand tu mets au mec. Ah! Where's Waldo? C'est tellement mauvais. Where's Waldo? C'est simple, ça. Très simple. En fait, ils ont même fait une version parce que la série télé a été produite aux États-Unis, alors que, comme je vous disais, le personnage de Wally vient du Royaume-Uni. Donc, quand les Américains ont fait une série, ils ont enregistré deux fois la chanson, Waldo pour les États-Unis puis Wally pour le Royaume-Uni, pour pouvoir revendre la série à leur propriétaire d'origine, finalement. C'est très mauvais comme chanson, pour vrai. Pour un dessin animé pour enfants, hein, on s'entend que ça vole pas haut. C'est pas excessivement recherché. Il est où, Charlie? Il est où, Charlie? Charlie, il est où? Il est où, Charlie? Dites-moi-les, il est où? Where's Waldo? Where's Waldo? Il aurait pas pu prendre une pire voix que ça, je pense. Ils sont allés chercher, genre, dans une ruelle, quelqu'un qui... pour chanter la chanson. Where's Waldo? Le gars, il est sous complètement. Il vient de fumer comme 12 paquets. Bon. Voilà pour mon dessert délicieux. Moi, j'aime ça chercher Charlie. Moi, bon, quand je vais aller chercher l'application iPhone, je la tantôt m'en va chercher. Là. Bon. Même. Ça me rappelle des souvenirs. Parfait. Bon. Écœure-nous pas avec ça. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Ah, c'est pas vrai. C'est intéressant pour eux. Je vais peut-être aller me chercher aussi. Merveilleux. Bon, on s'entend là-dessus. Ah. Link, c'était bon ton affaire. Stéphanie, c'était super ton affaire. Ouais, tout Steph, le monde, c'était moyen. C'était moyen. C'était la chronique ton plat favori, barre oblique, les crudités de François-Olivier et barre oblique de Sœur des Sud Mathieu. Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Ça, c'est vrai. On vient de passer un beau moment ensemble. Un beau moment, oui, effectivement. On se partage. C'est comme quand t'invites quelqu'un à une petite fête là à la maison, là, et puis que chacun amène ses morceaux. C'est un peu comme ça, non? Mm-hmm. Ouais. Tantôt, Stéphanie nous a fait jouer du National. Moi, j'ai envie d'entendre du National Parks Project. Oh. Hein? C'est meilleur. Ah non, c'est des blagues, c'est des blagues. C'est différent. Ben, elle sait que j'ai pas ça. C'est une question de goût, hein. Bon. Donc, on va entendre une pièce de National Parks Project. Et si je me trompe pas, la pièce s'appelle Long Time Before This. Et c'est celle qui ouvre l'album. La voici donc à l'instant au 89.1 FM, la radio campus du lecteur qui ne veut pas lire mon CD, mais peut-être dans celui-là. De Trois-Rivières, c'est ça. Ben de oui. Trois-Rivières, ouais, ouais. National Parks Project et une pièce nommée Long Time Before This. On prend une pause plutôt que d'habitude. On la prend là. Pourquoi? Parce qu'après ça, 40 minutes de musique. Oh! Oh oui, avec un bloc sur les nouvelles entrées du palmarès de C'est Fou. On va jouer tout le francophone aujourd'hui. Hein? Yes. Il y a entre autres du Gatineau là-dedans et du Renard Frac. Restez là. Formidable. Formidable. Formidable. Formidable. Tu vas faire un peu, je trouve. Mais non. Mais non. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. François-Olivier, Mathieu Plante, pièce détachée, assemblage requis. Merci, monsieur l'annonceur. Pour cette belle présentation. Ça me fait rire quand tu dis ça. Oui, ben, c'est pour ça que je l'ai dit. Hein. C'est un peu pour ça. Bon. Merci, merci. Merci. Merci, merci. Beaucoup. C'est longtemps. Faut dire beaucoup. T'aimais ça quand je disais merci, merci. Ou thank you, merci, thank you, merci, thank you, merci. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. François. Mathieu. On se fait un petit bloc pour écouter les nouvelles pièces du palmarès? Non, j'aimerais ça qu'on parle de météo. OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas vrai. Non? Oui, sors ton application fait... iPhone. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, tu peux sortir l'application non, iPhone. Tu vas dire l'application j'ai iPhone. Laisse donc faire. C'est le poste d'écoute. « Le poste d'écoute de C'est fou, vous le savez, c'est l'endroit où on découvre de la musique, on écoute des choses et on s'est dit pourquoi ne pas cette année écouter toutes les nouvelles entrées du palmarès. Hein? Gagnant. Bing, bing, bing, big winner. C'était bon. Donc on s'est dit on va séparer ça en deux. On a quatre nouvelles entrées du côté francophone et cinq du côté anglophone. On fera les cinq anglophones une autre fois. Cette fois-ci, on va entendre Gatineau, qui est de Sentiment et Renard Frac. On va débuter avec la 20e position. Pourquoi donc pas aller entendre une nouvelle entrée des Breastfeeders sur leur album Dehors la gueule des jours? C'est leur, je crois, troisième extrait de cet album-là. Et même que cet été, pendant un long bout, là, je pense même que c'est leur quatrième. En tout cas, il y avait deux extraits en même temps. Sur le palmarès. Sur le palmarès francophone cet été. C'était donc un très, très grand succès pour cet album-là. C'est bon, Breastfeeders. C'est toujours bon, c'est ça l'affaire. C'est ça, il faut pas se leurrer. Tu sors un nouvel album des Breastfeeders quand t'es le groupe des Breastfeeders, évidemment. Hein. Pas n'importe qui pourrait pas sortir un album des Breastfeeders. Mais t'es sûr que ça va être un succès dans les radios universitaires parce que c'est donc bon. Ah, ça, c'est vrai. C'est bon. Pis ça joue pas vraiment ailleurs non plus. C'est ça le problème. En fait, c'est ça la bonne chose pour ouais, nous. Ouais, c'est là. Ça le problème. Ou... Mais c'est comme comprenez le don le message ailleurs, genre, dans le sens, tu sais. Parce qu'il y a plein de bonnes affaires qu'on joue dans les palmarès francophones qui finissent par jouer ailleurs. Ouais, mais ça va jouer ailleurs, mais dans 5 ans. C'est ça. Donc, Breastfeeders, 1000 lunettes noires au 89.1 FM, c'est fou. Il est trop tard. Il est... Les positions 19 et 20 du palmarès francophone. On écoute les nouvelles entrées dans ce poste d'écoute de C'est fou. Et là, j'étais en train d'écouter cette pièce, le Sal Wave de Roland Frank en 19e place. Et avant ça, les Breastfeeders avec mes lunettes noires en 20e. Et je me suis dit, on est-tu vraiment en train d'écouter les nouvelles entrées des palmarès C'est fou à l'intérieur du bloc le poste d'écoute dans l'émission Assemblage requis? Ça devient mêlant. C'est un petit peu mêlant. Donc peut-être que la prochaine fois, ce sera un bloc les palmarès C'est fou. Hein? Ça serait plus simple de même. Ouais, parce que... Je pense que oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. Arrêtons la convergence. Commençons plus de convergence. À la place de faire 3 convergences, ça va être 2 convergences. Donc c'est moins de convergence, mais c'est plus de convergence. Ouais, ça ressemble à ça. Là. Peut-être que je l'expliquerai pas la prochaine non, fois. Non, je t'habille. Hey, il nous reste 2 nouvelles entrées, François, les positions 18 et 17. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, allons-y. On va l'entendre tout à l'heure à Gatineau avec de l'importance d'être constant en 17e. On débute en 18. Voici Kid Sentiment. Et tu n'aimes pas me voir à la télé. Eh bien, tu n'aimes pas me voir à la télé. Tu sens qu'on t'a à la radio? Ouais. Ça règle un problème? Au moins un. Je bats pas loin. Quand je mélange avec trop ma motivation. de l'importance d'être constant de Gatineau. C'est la position numéro 17 du palmarès francophone. Et avant, on a entendu qu'il y a sentiment avec « Tu n'aimes pas me voir à la télé ». Bloc donc de quatre nouvelles entrées qu'on a entendues aujourd'hui. Et je les aime toutes, je pense. Oui, pour vrai, c'est très bonnes entrées. Vraiment excellent. Gatineau, un de mes groupes préférés facilement. Et j'ai pas encore écouté le plus récent. Il faudrait peut-être que je m'y mette, mais vraiment, Gatineau, moi... C'est une valeur sûre. On peut pas se tromper, même. On écoutera les positions anglophones un autre jour, probablement demain, j'oserais croire. La mission de demain. Donc, on aura du côté anglophone The Last Assassins. The Last Assassins. C'est Jean Leloup, ça. Ouais, effectivement, qui chante en anglais. Jean Leloup et The Last Assassins. On a aussi Ostra, The Pack AD, Friska Vilha et The Jolts dans le bloc Les Palmarès C'est Fou de demain. Demain. Malgré la chanson du poste d'écoute, c'est le bloc Les Palmarès C'est Fou. J'avais commencé avec celle-là, je voulais finir avec celle-là tant qu'à ça. Mais ça a l'air fou pour vrai. J'aime ça de même. C'est le fun. Convergence. 8h39 à l'émission Assemblage Requis. Il nous reste encore une vingtaine de minutes ensemble. On se passait ça pas mal en musique encore. Hein? Pas de chroniqueur en cette deuxième heure, malheureusement. Non. En cette fin de deuxième heure. Oui. La semaine prochaine, par exemple, peut-être. Tout à fait. Bon, on espère avoir une salle comble la semaine prochaine. On a tout plein de nouveaux gens qui vont s'intégrer à l'émission pendant les prochains jours et semaines. On pense entre autres à Myriam Fugère qui va avoir une nouvelle chronique. Vous savez, vous la connaissez de l'émission Le Dîner de con avec sa chronique culturelle. Elle va nous faire une toute autre chronique. Aucun vol de matériel ici. Une toute nouvelle chronique de Myriam Fugère dans l'émission du mercredi, très bientôt. Pour l'instant, on écoute Diamond Rings. On n'a pas fait jouer encore cette session-ci. C'est tout à fait vrai. Tu me dis la vérité ici. Et parlant de Diamond Rings, chose qui coûte cher, on va sûrement avoir une chronique finance très bientôt aussi. Oui, on vous tient au courant. Bon, attendez et vous verrez comme dans... Est-ce qu'on écoute Wait and See? Est-ce que oui. Une chance que je tombe dessus. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Restez avec nous. I'm falling into something different. How should I know? Whether I should trust my instinct farther than I can throw. Playing with the double dagger, changing the rules, hanging down and out past midnight with the freaks and the ghouls. Feeling like a bit part actor, working between the lines, saving up for something faster. Retaliating with silence, running away in place, chancing upon situations out of my league. I just need some provocation, and I'm down on my knees. Feeling like a bit part actor. Down. When we got to Boston, we knew we'd missed a turn. Now we're back in traffic, school had told us there's signs that can't be learned. Geography's too stubborn, and people are too clear. So let's go find a roadside motel with a clerk who won't tell. Days will turn into nights, nights will turn into days, weeks, seasons, and years. Oh yeah, we'll stay for years. Oh yeah. Red and white for blood cells, red and white for wine. They could be the whole damn spectrum if you'd all just let them. Lord, it's such a crime. Working on an inch less waistband in the strip mall wasteland. Outside of this town, clawing at the penthouse kitchen floor for just one smidgen more. Everybody knows that it's ill. About the turn, Atlas is a gas station attendance, so none of our concern. We'll forge a little life, dear, and double down our debts. And I guess it stands to reason that the passing seasons will slowly dull regrets. Working on an inch less waistband in a strip mall wasteland. Outside of this town, clawing at the penthouse kitchen floor for just one smidgen more. Everybody knows that it's in the fixes. The fixes in the fixes. The fixes in the fixes. The fixes in the fixes. The fixes in the fixes. The fixes in the fixes. Okay, go in the okay, fix. Go in the fix. Is in. Is in. The fix. The fix. It's in. It's in quoi? It's in the fix. It's in the fix. Oh, ok, je comprends. Outside of this town, or clawing at the penthouse kitchen floor for just one smidgen more. Everybody knows. Everybody knows that it's in. Wow, François. C'est town, hein? Comme je chantais par-dessus, ben oui. C'est town. Oh, comme toi et moi. Oui. Ouais. Donc, OK Go, c'était sur leur premier album ça, qui s'appelait aussi OK Go, sorti en 2002. C'est là-dessus qu'on retrouve entre autres les pièces Get Over It et You're So Damn Hot. Là, c'est là-dessus, c'est sur ça. C'est très bon album. Très très bon album, plus pop que les autres évidemment. Vous savez tous qu'ils ont changé de style énormément depuis les dernières années, mais c'est de meilleur en meilleur, toujours. Toujours, okay, toujours. Ouais. Il nous reste environ une quinzaine de minutes, un petit peu moins à l'émission d'aujourd'hui, Assemblage requis. Assez de temps pour quoi d'autre, écouter d'autres musiques. Hein? C'est un peu ça aujourd'hui. Hein? Ouais, un peu ça. On annonce des choses, on annonce, on fait la chronique. Après ça, il n'y a rien. Musique. C'est fun, j'aime ça. Oh oui, mais c'est... Ça dépend des jours. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a des jours plus garnis que d'autres. Tout à fait. Tout comme il y a des gens qui sont plus garnis de tatous, on les appelle des tatous garnis. Les moi, je les appelle tatous garnis. Les tatous garnis. Le gars, il est tatou garni. C'est de même, moi, j'ai dit ça quand j'avais genre sûrement 10 ans. T'sais. C'est resté, c'est un running gag, une bague à la course, c'est comme je dis. Et puis, utilisez-le dans la vie, mais dites copyright Mathieu Plante à la fin. T'sais. Donc, c'est le gars, il est tatou garni. Ouais, ouais. Si tu dis il est tatou garni, c'est Mathieu Plante qui l'a inventé. Si tu dis aussi, comme j'ai dit tantôt, une blague à la course à la place d'un running gag, là, c'est moi, ça. Ouais. OK. Non, mais là, faut, le crédit est dû, là. OK, OK. Puis si, mettons, exemple, je me prends dans la rue puis je vois un gars plein de tatouages, je dis « Hey, tatou garni! » Ben, c'est sûr que tu l'as pris de moi parce que tu l'as pas pris d'ailleurs. Non, je sais. Ouais, ouais. Mais le gars veut me péter la gueule. Je dis-tu, attends un peu, on va aller voir mon ami. Tu gardes ça pour toi, tu sais. Ah, OK, là, je garde ça pour moi. Au pire, dis-le juste pas au gars, tu sais. Ça, c'est des affaires que tu dis dans le dos du monde, le gars, il est tatou garni, tu dis pas dans ta face. Faut pas parler dans le dos des gens, voyons donc. T'es ben trop ben élevé. Ben hein? Là. Non, mais là, c'est du savoir-vivre. Il y a des limites, là, François, là. Hein? Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite? Non. Ah bon, on est sans limite? Sans limite. On porte-tu des non, super vestons bleu poudre? Non. Non? C'est-tu sans limite, ça? Non. Non, ça, c'est bleu poudre. Sans limite, c'était jaune, non? En tout cas. Je suis sûr. C'est un beau moment encore. Ça devient bien, là. Ouais, c'est ça. Monday Green de Yesayer, c'est une pièce que tu apprécies particulièrement, et moi aussi. Ouais. Donc, je m'étais dit, à la radio, on se garde des fois. Ah ouais? Non? Ah oui? Pourquoi pas? Présente-la donc, voir de ton air professionnel. Non, je te laisse. Non. Ok, je présente le groupe. Ok, fais comme si j'étais un gros tatoué. Ok. Puis dis-moi. Hey, tatou garni. Hey, non, moi, c'est Mathieu Plante. Maintenant, on va aller pétailler. Ah, c'est Mathieu Plante. Ah, ben, t'aurais dû me le dire que c'était Mathieu Plante. Viens, dis-moi que je t'emmène chez nous. Ok. Mondo Green, yes, c'est eux. Non, je sais pas. Je sais pas, le gars, c'est un fan. Tu sais, je te dis. Ok, je vais l'essayer. Je vais l'essayer. C'est au courant. Ok. Lâche-toi, François, hein? Ah! Ah! Ah! Je l'aime tellement, cette pièce-là. Là. Oh, c'est ouais? Bien. Pour vrai? Je te le dis, Mathieu. Yep, ça faisait longtemps. Puis on dirait que c'est pas un nom que je retiens. The Lovely Feathers. Ah, mais c'est écœurant. Il faut vraiment que tu essaies leurs autres albums. Tu vas adorer ça si t'aimes cette chanson-là. C'est très, très représentatif de The Lovely Feathers. Cette pièce-là, c'était Louisa. Oui, exactement. L-O-W-I-Z-A. Voilà. C'est très bon. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h. Quelle bonne Demain, on va être mercredi et puis il va y avoir bien des choses, mais on ne sait pas encore lesquelles. Bon, on confirme rien, on laisse ça en suspens. Demain, surprise, par-dessus chanson, des gros hits. Et, hein? La bombe. Ben, je te laisse promettre ce que tu veux. Est-ce qu'on va livrer tout ça? Je ne sais pas. Eh oui, oui. C'est demain matin, 7h. Allez voir sur cif.ca pour la programmation. Et puis, restez à l'écoute pour le dîner de con tout à l'heure avec Danny Janvier à 11h. Ça s'en vient juste pour vous. Et puis, plus tard en journée, l'émission culturelle Une dose d'estrogène commence à 16h. Et puis, plus tard, à 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Voilà. On se quitte avec une pièce de Metric. C'est Give Me Sympathy sur leur album Fantasies. Passez une excellente journée. Passez une belle journée et nous, on se revoit, Nous, on va se voir, eux vont nous entendre. Ouais, demain matin à 7h. On pourrait dire on se réentend, mais nous, on les entendra pas. Non. Moi. Parce que tu voulais pas. Parce que je voulais pas les entendre. Get hot, get too close to the flame. Wild, open space. Talk like an open book. Take a picture, I'll remember someday all the chances we took. We're so close to something that I left unknown. We're so close to something that I left unknown. I can feel it in my bones. Give me sympathy. After all of this is gone, who would you rather be? The Beatles or the Rolling Stones? Oh, seriously, you're gonna make mistakes, you're gonna. You're gonna make mistakes, you're gonna